Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. C'est parti. Salut Lynn. Salut Alessandra. Le temps est passé super vite depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Et il y a pas mal de choses qui sont passées, en tout cas de mon côté. Et surtout, on a été super busy avec la radio du Black Movie, qui était vraiment une expérience super chouette. Dont on va parler en deuxième partie. Yes, parce que on enregistre lundi 30. Et moi, hier, j'ai passé un dimanche après-midi classique en traînant dans mon canapé, complètement absorbé par Internet. Et par un article, en fait, du site Motherboard de Vice sur l'utilisation du micro-targeting pendant la campagne présidentielle américaine. Donc, peut-être juste pour dire, le micro-targeting, c'est donc l'utilisation par des algorithmes de données personnelles, ou ce qu'on appelle aussi de big data, pour en fait comprendre des individus ou des groupes d'individus, donc les comprendre en tant que consommateurs, consommatrices, ou dans le cadre de l'élection présidentielle, de les comprendre en tant qu'électeurs et électrices. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir ou voir pour voter pour telle ou telle personne. Enfin, bref, ce que l'article, je le mettrai aussi sur le post-pod. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il y a donc une entreprise qui a été engagée d'abord par Ted Cruz et ensuite par Donald Trump, qui s'appelle Cambridge Audacity. Quelque chose. Ouais. Non, mais en fait, donc c'est leur boulot, en fait, c'est de faire ces actions de micro-targeting pour amasser le plus d'électeurs possible sur Internet pour le candidat ou la candidate qui les engage. En fonction de catégorie, c'est ça? Oui, alors en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se basent, leur algorithme, du coup, je veux dire algorithme, je pense 10 000 fois dans les 5 minutes qui viennent, mais ils se basent sur des modèles pour établir des personnalités, donc une sorte de test de personnalité fait par des psychologues, et qui en fait, genre, il y a 5 catégories pour définir ta personnalité, et tu peux être plus ou moins ci, plus ou moins ça. Et puis après, ça te dit... et franchement, j'ai fait, parce que en fait, le gars qui a développé ça, c'est pas du tout quelqu'un qui visait en fait à faire de la thune à la base, mais c'était voilà, c'est un mathématicien ou chercheur de Cambridge University. Et en fait, c'est super parce que sur le site de Cambridge University, c'est possible de faire ce genre de test de personnalité. J'ai fait hier. Et alors, franchement, avec des questions même assez débiles, ça tombe assez juste. Bon, après, c'est toujours des en termes d'interprétation. J'ai fait ça pendant 10 minutes hier, mais ça tombe pas à côté de la plaque non plus. Avec des profils pour lesquels tu les as tous lus pour dire je me serais pas reconnue dans celui-là et celui pour oui, lequel parce que en fait après ça mesure en pourcentage, donc on va dire vous êtes plutôt une personne très organisée, très boulot, ou vous êtes plutôt une personne relaxe. Un peu des deux. Non mais bref, c'est des choses comme ça, puis après tu peux être 50% ou bref. Du coup ce que ces entreprises font, c'est qu'ils arrivent en fait à calculer plus ou moins, genre, par rapport à ton profil, un peu, ce qu'ils trouvent sur ta personnalité, ils vont se dire, bon, cette personne, elle ressemble plutôt au modèle type de quelqu'un qui est pro-arme, par exemple, donc pour prendre le cadre des États-Unis. Et par contre, une autre personne ou une autre communauté va plus être... ils vont être plus susceptibles d'être gagnés sur, par exemple, les réformes... en finance ou ce genre de choses. Donc ce que ensuite la campagne fait ou la personne du coup va faire, c'est que sur Internet, on va te mettre ces publicités avec des slogans qui intéressent ton opinion. Donc en occultant de dire l'autre programme ou le reste de la partie restante du programme du candidat. Je ne sais pas si tu arrives à... Oui, c'est à la fois renforcer les profils de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ton programme en tant que politicienne ou politicien, et à la fois, je pense, affûter le discours pour drainer plus de personnes. Ouais. Et donc après, essayer de... voilà, c'est ça, de drainer plus de personnes, de convaincre aussi les gens qui ne sont pas encore convaincus. Puis c'est génial, parce qu'en fait, tu peux vraiment adapter. Tu peux avoir ton programme officiellement établi, mais au niveau de sa communication, tu vas cibler certaines parties ou pas, de manière très individuelle ou sur des groupes d'individus, comme tu disais. Ouais, et après, bon, ce qui est toujours un peu drôle avec cette... Enfin, c'est drôle, mais... ces histoires de maths qui restent très obscures, voilà, d'algorithmes et tout, c'est que tout d'un coup, on rentre presque dans l'idée un peu de conspiration. Ouais. Tu peux presque rentrer dans un truc un peu conspirationniste, mais y a quand même quelque chose de... Tu vois, par exemple, on pourrait aussi... Donc, par exemple, ceux qui ont travaillé là pour Donald Trump, ils ont dit, nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de drainer un max de personnes, mais tu pourrais très bien aussi en fait essayer de ne pas faire voter des gens qui voteront pour le candidat opposé en produisant par exemple des fake news, comme il y a eu aussi sur Facebook, il y a eu toute cette controverse autour des fake news pendant les fausses nouvelles pendant la campagne présidentielle. Donc tu pourrais très bien aussi cibler des gens que tu sais que tu peux pas avoir de ton côté, mais tu peux les rendre assez hésitants pour qu'ils ne votent pas non plus pour le côté opposé. Enfin, bon, bref, ça... Ouais, tout à fait. C'est assez flippant. Mais donc, pour la petite introduction... Mais du coup, en fait, à travers cet article, je suis tombée sur le blog d'une mathématicienne américaine qui s'appelle Cathy O'Neill. Donc, O'Neill, elle a fait un PhD en maths à Harvard à la fin des années 90. Ensuite, elle a travaillé quelques années dans le milieu académique. Et puis, elle a commencé à travailler à Wall Street en 2007. Donc, pile à la bonne date. Et donc, en fait, après, quand il y a eu la crise, elle s'est en fait jointe au mouvement Occupy. Donc voilà, je trouve aussi intéressant parce qu'elle a vu donc, le milieu financier de l'intérieur, et puis elle a clairement tourné le dos pour lutter contre... En toute connaissance de cause. Ouais, c'est clair. Et elle tient aussi le blog mathbabe.org, donne des conférences, et elle vient de sortir en septembre dernier un livre qui s'intitule « Weapons of Math Destruction », donc « Math » comme « Mathematics ». On a compris la petite blague, ou le jeu de mots en tout cas. Et dans ce livre, en fait, elle discute notamment de l'impact, et maintenant vient le lien, de l'impact des algorithmes utilisés sur Internet et ailleurs dans nos sociétés, donc sur les sociétés et sur la vie, en fait, d'individus. Et elle explique comment ces algorithmes, qui sont donc en fait des sortes de structures mathématiques construites, vont contribuer à reproduire des rapports de pouvoir et des inégalités sociales, par exemple, parce que ces algorithmes, comme toute science, sont situés, ils sont produits par quelqu'un, et ils sont en grande majorité produits, construits par des hommes blancs. Et après, je trouve aussi intéressant, parce que c'est vraiment, en fait, ces algorithmes, c'est vraiment des machines à catégoriser. Donc c'est assez clair en fait que c'est ça, parce que voilà, ils vont reconnaître par exemple par les likes, par ce genre de choses. Et ensuite, bah, l'idée c'est ça, c'est de construire des profils en fait, c'est de reconnaître le profil et pouvoir ensuite cibler la personne. Mais du coup, c'est clairement catégorisant, et ça reproduit aussi des catégories extrêmement rigides qui peuvent dans certains cas pas avoir d'impact, mais dans d'autres, on peut imaginer par exemple dans le milieu de l'éducation ou encore par exemple dans le système judiciaire, ben là ça peut avoir des impacts gravissimes sur la vie des individus ou d'une communauté. Parce que par rapport au judiciaire, t'avais des... Alors elle explique quelque chose par rapport au judiciaire. Je vais mettre sa conférence ou deux de ses conférences sur le post-pod, comme ça vous pouvez vérifier et comprendre ça par vous-même. Mais je préfère donner, parce qu'elle a donné un autre exemple en fait sur l'éducation, je pense qu'il est plus clair. c'est qu'à Washington, à un moment, ils avaient donc des problèmes par rapport à la qualité, je pense, de l'éducation. Bref, dans les écoles. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des algorithmes qu'ils ont appliqués pour voir la performance des classes, donc des élèves et des profs. Donc on calculait, on disait, bon, le prof, il a réussi à mener ses élèves à niveau, c'est un bon prof. S'il n'arrivait pas à mener ses élèves à niveau, bah, on virait le prof ou la prof. Ce qui, en fait, a fait que les professeurs et professeuses sont mis à tricher en mettant des meilleures notes à leurs élèves que leur niveau ne devrait leur donner. Ce qui, après, a fait que... Donc, l'algorithme, il ne reconnaît pas la tricherie. Il ne peut pas. Donc, ça, ensuite, tous ces classes qui donc, n'étaient pas du tout à niveau étaient passées comme s'ils étaient au niveau supérieur à un autre niveau. Donc, bref, ils se retrouvaient avec des profs qui... Bah, bref, plutôt des profs se retrouvaient avec des classes qui ne savaient ni lire ni écrire. Et évidemment, bah, soit eux, ils continuaient le système de tricher sur les notes et donc de continuer à produire des élèves qui n'étaient pas à niveau, ou ils admettaient que les élèves qu'ils ont reçus n'étaient pas à niveau, et suite à quoi ils se faisaient virer parce que c'est l'algorithme va calculer que c'est eux qui ont fauté quoi. Mm-hmm. Et ça, c'est aussi intéressant avec les algorithmes, c'est que ils produisent vraiment un discours comme ça extrêmement hiérarchique dans leur fonctionnement. Si on pense un peu à comment, quand on parle d'algorithme, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que tu peux soit réussir soit fauter. C'est success or failure, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ou bien tu es performant ou pas, ou bien par exemple, les algorithmes sont aussi beaucoup utilisés dans ce qui est engagement professionnel en fait, et du coup tu peux être red listed, donc tu es mis sur liste rouge pour telle ou telle raison, par exemple par rapport à ton CV ou par rapport aux questions qu'on te pose pendant l'entretien, et tout ça c'est calculé comme ça. Mais pour dire, c'est que quand même que en fait Cathy O'Neill, c'est pas quelqu'un qui est technophobe, c'est pas quelqu'un qui va dire que tout ça va trop loin, qu'il faut se calmer sur les machines, sur internet et compagnie. Elle souligne l'importance de remettre le système actuel en question et d'interroger comment nous on utilise les algorithmes. Et vraiment, voilà, elle dit, il faut pas se leurrer à croire que ces structures sont quelque chose de purement objectif et sans impact. Donc ce qu'elle propose un peu comme premier outil, c'est d'imposer des sortes de safety standards, donc des standards de sécurité. Et elle fait un peu cette comparaison avec en fait l'industrie automobile il y a 120 ans, où elle disait, voilà, elle dit, voilà, l'industrie automobile construisait des voitures qui étaient pas, elles étaient pas du tout sûres. Et il y a eu des accidents extrêmement graves, mortels et tout ça. Et on a développé des standards de sécurité. On a mis en place que, voilà, des carrosses qui font que les gens ne vont pas être blessés à l'intérieur, ou en tout cas moins blessés. Ou bien, voilà, juste des security belts, enfin bref. Mais que ça prend du temps, en fait, à identifier les dangers ou les risques, et ensuite à mettre des standards de sécurité. Oui, puis là, la machine, c'est pas une voiture qui roule même à 120. Elle va très, très vite, ouais, celle-là. Ouais, c'est clair. Et ça, j'espère que je suis assez claire. Hein. Je tire un peu plein de pistes, mais ça m'a complètement passionnée donc de lire son blog et de voir ses conférences et ses interviews hier. Mais elle parle aussi, par exemple, donc pour montrer aussi à quel point c'est, je veux dire, la science est située. Donc, elle parle d'algorithmes qui s'appellent machine learning algorithmes. Et c'est des algorithmes, en fait, qui vont produire des modèles à partir des données. On peut imaginer là, par exemple, du coup, dans des systèmes d'engagement professionnel aussi, comme j'ai dit avant. Donc, ils vont se baser sur des données historiques. Mais ces algorithmes, voilà, c'est des constructions mathématiques. Donc, ils ne sont pas, en fait, faits pour reconnaître les discriminations qui ont pu avoir lieu dans l'histoire. Et là, par exemple, elle donne l'exemple de Fox News, qui, en fait, a été très critiqué par rapport à leur politique d'engagement, où ils engageaient extrêmement peu de femmes et leur donnaient extrêmement peu de possibilités de promotion. Donc après ces critiques, ils ont mis en place un algorithme en fait pour engager les gens, mais c'est un machine learning algorithm qui donc va en fait se baser sur les données ou le data de Fox News en termes d'engagement, genre dans peut-être les 5-10 dernières années. Et pour aussi, parce que voilà, ils veulent engager peut-être plus de femmes, mais ils veulent surtout engager des gens qui vont réussir, donc ils vont développer un sort de modèle de qui reçoit des promotions dans l'entreprise. Mais la vérité est qu'en fait, les 5 dernières années, les 10 dernières années, personne n'en a reçu. Personne, si les gens, ils ont reçu, mais les femmes, elles en ont extrêmement peu reçu, donc c'est extrêmement peu probable que c'est une femme qui va sortir modèle, en fait, pour cet algorithme-là, finalement. Et ouais, voilà, enfin, elle montre un peu par des exemples comme ça d'actualité comment c'est des systèmes biaisés. Bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'ils vont se baser sur une expérience précédente qui favorisait des modèles ou des profils avec des dynamiques plutôt socialement attribuées au masculin. Donc, en reprenant ces critères-là, ces catégories-là, comme critères de sélection, ils vont reproduire les mêmes choix qui vont plutôt se situer sur le fait de choisir des hommes que des femmes. Mm-hmm. Ah ouais. C'est complètement... le serpent qui se mord la queue, j'ai pas d'autre image, mais c'est... Ouais, c'est ça, mais puis elle parle vraiment de ça, elle parle de looping, tu fais des sortes de looping négatifs comme ça, et tu arrives pas à sortir de sorte de cercle vicieux que tu fais juste de reproduire comme ça. Et puis c'est très intéressant aussi ce que tu évoques sur les données historiques, parce qu'on dit toujours que l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Mmh. Donc si tu reprends ça, effectivement, tout ce qui peut constituer de différences, d'alternatives, n'est pas intégré dans le processus algorithmique. Ouais, puis après, pourquoi elle joue aussi sur ce truc de mass destruction? C'est qu'elles disent que ce qui est dangereux, en fait, avec ces algorithmes, c'est que quand ils sont appliqués en masse, ils vont propager, en fait, des sortes de structures de discrimination et d'inégalité qui vont vraiment prendre des proportions systémiques, comme ça. Enfin, c'est vertigineux. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous invite, chose que les féministes ont fait depuis longtemps, à réfléchir à la production des techniques, à leur usage. Et de constater justement le manque d'objectivité dans ces domaines. Et puis, je pense qu'il faut inventer des nouveaux mots, il faut inventer des nouveaux horizons, parce que ça croise quelque chose d'assez organique, qui se reproduit un peu tout seul. Donc justement, quelle intervention on peut avoir de par rapport à ces critères de sécurité ça invite à revoir beaucoup de choses. Ouais. Ouais, puisque ce que j'aime beaucoup avec O'Neill, déjà dans cet effort de vulgarisation qu'elle fait, qui je pense se positionne aussi dans une revendication féministe, même si elle ne le dit pas telle qu'elle. Mais voilà, elle essaye vraiment du coup de donner un peu de clarté à ces algorithmes et à leur fonctionnement. Et vraiment, elle dit... Comme tu dis, il faut aller de l'avant, il ne faut pas se sentir paralysé, il faut essayer de trouver des outils, essayer de trouver des nouveaux mots, et ne pas avoir peur de ce qu'elle appelle en fait le « mathematical obscurity » ou bien encore « the authority of the inscrutable ». Mais vraiment d'acquérir les outils justement pour que ça devienne « scrutable », si on peut dire, enfin, qu'on puisse l'observer, qu'on puisse le comprendre, enfin, pas prendre peur. Et moi je trouve ça c'est très intéressant parce que je pense que toi tu partages aussi cet avis avec moi, mais moi j'ai vraiment un malaise grandissant en parcourant Internet et en utilisant par exemple les réseaux sociaux parce que j'ai de plus en plus l'impression de m'enfoncer dans une bulle assez fermée parce que c'est très filtré et aussi d'avoir aucune idée, mais vraiment aucune, de comment en fait l'information est filtrée et comment les données sont utilisées. Pourquoi, à quelle fin je trouve il y a la vie en fait sur Internet, elle s'accompagne d'une inquiétude sous-jacente comme ça, et c'est pas forcément facile. Bon, maintenant je parle pour moi, hein, c'est très personnel, mais c'est pas forcément facile de comprendre où commencer pour pouvoir y comprendre quelque chose. Enfin, c'est ça, c'est où est-ce que je commence à développer les outils. Du coup, ben, je suis très contente parce que hier, j'ai découvert O'Neill et ce matin, j'ai commandé son livre. Donc, ça, elle va devenir un premier phare dans ce mathematical obscurity. C'est ça, un phare que tu vas nous partager allègrement. Et puis, je pense qu'il y a aussi par exemple, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qu'on fait de nos données et puis il y a aussi cette histoire de sélection de ce qu'on reçoit, mm-hmm. nous, comme information. Et par exemple, moi, j'ai essayé de fonctionner avec Quant, qui est un moteur de recherche qui a des velléités de ne pas faire un historique spécial de tes recherches. Mm-hmm. Et en fait, c'est donc dans l'idée, je trouve ça très bien, mais dans l'application, je suis revenue à Google. Parce qu'en fait, effectivement, à force d'être tout le temps dans les mêmes thématiques, ça me brosse un panel comme ça de sites dont j'ai besoin. Et Quant, c'était beaucoup plus diffus. Donc en fait, je sais pas, sur les 5 premières occurrences, il y en avait peut-être 2 qui étaient vraiment en rapport avec ce que je recherchais. Mmh. Donc il y a de constater qu'il y a quelque part un manque d'efficacité au fait de ne pas être défini dans ton profil et tes recherches. Mm-hmm. Tu vois l'ambiguïté? Ouais, donc à la fois vouloir s'extraire de ça, puis se rendre mm-hmm. compte que dans la vitesse mm-hmm. que tu demandes à ces appareils, tu veux que ça t'es vite mm-hmm. des infos, que t'es vite du matériel, ben, ça ralentit, c'est une autre mm-hmm. démarche. Après, il y a aussi, là moi je crois que j'ai vraiment me l'installer, c'est d'aller peut-être sur Tor. Mm-hmm. qui n'est pas réservé à l'échange de drogues et armes, mais qui est justement et de plus en plus utilisé par des personnes qui souhaitent retrouver un Internet qui ne soit pas un lieu de surveillance. Mmh. Oui, mais d'ailleurs, Tor, moi, je l'ai déjà vu conseillé aussi par des militantes féministes, enfin des cyberféministes, justement, qui disent que c'est un bon outil pour parcourir Internet de manière plus sécurisée, quoi. Ben, la transition est toute trouvée entre pouvoir, domination et abus de pouvoir, parce que c'est le thème qui a émergé de la sélection des films présentés cette année par le Festival international de films indépendants, Black Movie, qui a eu lieu à Genève du 20 au 29 janvier jusqu'à hier, et auquel on a eu la chance de participer, et le plaisir surtout, au sein de la web radio éphémère, Black FM. Yes, ouais, c'était trop bien. Donc c'était un peu un appel à projet comme ça, lancé. Voilà, c'est la première fois en fait que le festival, non pas avait une production audio, parce que ça c'était déjà le cas depuis 2 ans je crois, mais en collaboration avec Fréquence Banane mm-hmm. et Radio Vostok. Ouais. Par contre là c'est la première fois que l'équipe a été recrutée et installée au cœur du festival. Mm-hmm. À la Maison des Arts du Grütli, avec vraiment voilà, une volonté de tisser des liens plus serrés entre le festival et sa diffusion audio. Ouais, puis c'était vraiment chouette. Donc on a pu faire des interviews de réalisatrices, de réalisateurs, des chroniques. On s'est un peu... Et surtout, on a testé le live. Ça, C'est ça, c'était vraiment super riche. Déjà, on a pu causer dans des micros qui étaient top, ouais. avec des casques sur la tête. Ça, j'ai vraiment aimé. Ça fait un côté bulle sonore. T'as l'impression d'entrer dans la 6e dimension. Ouais, c'est trop bien. On a aussi pu élargir notre vocabulaire radiophonique avec les relances, les virgules, le tapis sonore, à écrire nos scripts en 14 et pas en 12, à faire de grands gestes pour communiquer par mime avec les techniciens. Parce que, ouais, on avait des techniciens, des vrais gentlemen, pour nous envoyer des sons, des super playlists qu'on pouvait faire nous-mêmes. Et oui, enfin, pas toujours, hein. Des fois, vas-y, musique. Ah, non, il n'y a pas. Bon, alors, parce qu'on a eu la chance de pouvoir à la fois animer des émissions ouais. et participer, comme tu l'as dit avant, par des chroniques ou des interviews, des micro-trottoirs. Des micro-trottoirs. Tu as transformé Black FM en Blague FM. Ouais, c'est trop bien. On mettra aussi sur... parce qu'en fait, du coup, il y a sur... Mixcloud, il y a toutes les émissions et aussi les chroniques et machin séparément. Donc on mettra un lien pour ça, comme ça vous pouvez écouter nos voix suaves. Et surtout celle des réalisatrices et réalisateurs qui vraiment venaient du monde entier. Donc c'est l'occasion de chouettes rencontres. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai ressenti comme assez commun à écouter l'intervention de ces réalisatrices et réalisateurs, c'était une sorte de point de vue, c'est-à-dire de donner l'envie d'avoir le besoin de fabriquer et partager leur propre point de vue depuis leur pays. Une manière de plus se laisser raconter par d'autres. Mmh. Il y avait notamment une réalisatrice sénégalaise, Rama Thiaw, qui évoquait ces films étrangers qui sont situés en Afrique, puis qui en fait montrent la même image, qu'ils soient tournés en Afrique du Sud ou au Mali, c'est la Afrique, complètement. Elle, comment s'appelle son film d'ailleurs ? Alors son film c'est Revolution Won't Be Televised, qu'elle revendique comme étant le premier film sénégalais, parce qu'en fait c'est la première fois qu'un film obtient en tout cas 80% des fonds depuis le Sénégal et non pas depuis la France ou d'autres pays. Okay. Et en fait, il y a une pratique, c'est que quand tu subventionnes, tu dis que ton film, en fait, il est de la nationalité. Qui l'a donné les fonds. Ouais. Jusqu'à présent, ça c'est vraiment aussi une histoire du cinéma complètement située dans la post-colonialité. C'était des films qui étaient essentiellement réalisés avec des fonds français. Et puis là, en fait, elle a tourné comme sujet, c'était... En 2011, il y a le président de l'époque, le président Wade, qui fait un coup d'État constitutionnel en voulant se représenter une troisième fois comme président, alors que la Constitution prévoyait que deux fois. Et ça a suscité en fait toute une mobilisation assez inédite dans la rue, parce que Rama Thiaw témoigne du fait qu'il n'y avait pas une culture très grande de l'occupation contestataire de la rue. Et là, oui, un mouvement va se mettre en place, les Y'en a marre, qui sont en fait incités à se mobiliser et à aller voter. Déjà, ça c'est le gros message, aller mm-hmm. voter par des stars locales de hip-hop, mm-hmm. un groupe qui s'appelle les Kurgi. Je mettrai aussi un lien parce que j'ai vraiment trouvé très chouette leur musique. Mm-hmm. Et puis avec l'idée que la musique, c'est pas un divertissement comme on peut mm-hmm. le vivre dans nos sociétés prospères et oublieuses. C'est vraiment quelque chose qui fait la culture, c'est aussi une manière de l'oralité, c'est ça qui est, avec laquelle l'histoire se transmet. Et puis c'est très efficace parce que ça permet de toucher toute la population, mm-hmm. les personnes illettrées y compris. Mm-hmm. Ouais, ça devient vraiment un outil de lutte, quoi, et de sensibilisation aussi dans ce contexte-là. Absolument, avec aussi une population dont les 60% ont moins de 30 ans. Mmh, ouais. Donc ça, c'est aussi phénoménal. Et puis, elle reprend ce titre, en fait, « Revolution Won't Be Televised ». C'est une chanson qui a été écrite dans les années 60-70, il faut que je vérifie exactement, qui était en fait une critique sur le traitement médiatique des mobilisations pour les droits civiques des populations noires aux États-Unis. Un traitement médiatique qui à la fois occultait les conditions de vie de ces personnes et à la fois les présentait en les diabolisant, ce qui faisait que les spectatrices et spectateurs blanches ne se sentaient pas concernés par cette question et la jugeaient. Donc cette chanson, en fait, a fait pour la réalisatrice comme un écho à ses premières manifestations qu'elle a vécues au Sénégal, en voyant plein de télévisions étrangères, de journalistes, et en fait, elle avait l'impression que personne ne parlait presque comme il faut ou de manière juste de ce qui était en train de se monter, et elle a voulu surtout le raconter depuis l'intérieur. Ouais. Alors, en fait, aussi préciser que je trouve qu'elle a une dimension tout à fait, une préoccupation esthétique à son documentaire, où il y a un traitement de l'image que j'ai trouvé très beau. Mmh. Et puis avec cette question, oui, la révolution ne doit pas être télévisuelle ou télévisée, mais en fait une préoccupation qu'on a pu constater de l'image par ces personnes qui mobilisaient la contestation, une grande préoccupation des interviews qu'ils ou elles pouvaient accorder. À un moment donné, il y a comme ça une manifestation, ils prenaient vraiment quelque chose de pacifique. Et à un moment donné, les manifestantes et manifestants prennent des bouts de bois pour les brûler, et un des leaders dit non, mais il y a les caméras du monde entier, ne donnons pas cette image de nous-mêmes. Donc en fait, c'est oui, l'image, elle est très présente, et la question, c'est peut-être plutôt de produire ses propres moyens de médiatisation que de faire comme si on pouvait se passer de l'image. Puis après, ce film aussi, il y a un peu deux histoires en un, parce qu'il y a donc ce groupe qui se mobilise pendant donc cette période de contestation, mais après on les suit aussi après. Parce qu'en fait, bah, le mouvement il va durer une année au Sénégal, mmh. et ils vont obtenir gain de cause, c'est-à-dire que le président Ouad ne va pas être réélu. Et après, ça a créé aussi toute une émulsion dans différents pays d'Afrique, comme un mode d'emploi révolutionnaire, pacifique. Mmh. Et puis, ce qui était très touchant aussi, c'était de rester toujours dans les codes de la démocratie. C'est en fait une veille sur la démocratie quand elle est bafouée par ces coups d'État qui, visiblement, maintenant, ne vont plus ou ne se font plus par les armes, mais par, justement, les modifications de la Constitution. Donc là, c'est un vent nouveau démocratique. D'ailleurs, la réalisatrice, elle dit que ça peut même être un message, pour une fois, dans l'autre sens, aux jeunesses occidentales qui sont plutôt démobilisées, pour dire, mais vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez vous emparer. Mm-hmm. Mais moi, j'ai senti ça en voyant le film, vraiment ce... cette force qu'il y a dans la mobilisation, en fait, comme vraiment un outil, en fait, hyper fort de lutte, mais pacifique. Bah, quand tu parles de cette mobilisation, j'ai aussi été touchée par un personnage, c'est une poétesse, en fait, qui est morte récemment, une poétesse sénégalaise, qui, en fait, est un peu le lien entre les différentes époque de mobilisation qu'il y a eu dans le pays. Et puis elle dit qu'elle a connu des choses jeunes, elle avait l'impression que tout s'était perdu, que chacune et chacun était occupé plus à consommer, etc., qu'à se mobiliser. Et puis elle est ravie de voir que ça recommence. Et puis de faire cette sorte de lien générationnel entre les différentes contestations. Une manière de rebondir aussi sur le... Parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'étais censée faire une interview de cette réalisatrice, donc je l'avais amplement préparée, et en fait, il y a eu un couac de programmation, donc ça n'a pas pu se faire. Puis quand j'ai regardé son film, quand j'ai écouté ses interviews, lu des articles sur elle, j'avais effectivement... Parce que je pense que ça t'a frappé aussi, quand on regarde le film, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont présentes dans la rue, dans ces mobilisations. Donc on a tout de suite un peu envie de dire « Oui, mais bon, alors... Quid des femmes ? » Puis en fait, je me suis dit, mais bon, elle, c'est une réalisatrice, elle a effectivement dû se confronter à des choses particulières en tant que femme, mais bon, finalement, ce qui compte, c'est son travail, c'est pas sa catégorie de sexe. Donc déjà, ne pas la ramener, elle, à des questions en tant que femme, mais vraiment se pencher sur son travail, et puis aussi faire attention de cette offuscation. De s'offusquer quand c'est une femme qui réalise de est-ce qu'elle a montré assez de femmes ou trop d'hommes ou des questions qu'on ne va pas forcément poser à la gente masculine. Ouais. Et enfin, ce piège aussi post-colonial des féminismes, de vouloir un peu se porter en garante d'une égalité qui devrait avoir lieu partout. Enfin, comment dire ? C'est pas parce qu'il faudrait aller plus loin, c'est pas parce que sur l'image il y a effectivement moins de femmes qu'on doit dire « Ah, ben elles sont exclues de ça ». Ça demanderait une connaissance beaucoup plus fine de la situation sociologique, de genre. Et pas ramener tout le temps à cette posture un peu condescendante de « Oui, mais vous, dans vos manifestations, c'est pas très mixte, donc est-ce qu'on peut vraiment... » Tu vois ? C'est clair. Et c'est vrai que je suis passée par un moment de grande perte en me disant « Mais comment interroger ça, ce matériau, en fait ? Comment être le moins jugeant possible ? Comment... Donc à la fin, parce que j'avais écouté beaucoup de ses interviews et j'ai eu l'impression de capter le message qu'elle avait avec son film, donc à la fin, je voulais... identifier un peu des mots-clés comme ça pour aussi ne pas accaparer le micro mais le lui laisser le plus possible et puis juste évoquer des petits mots. Je disais, ah non, ça va peut-être pas faire non plus. Mais en tout cas, ouais, cette question de point de vue a de nouveau été très présente dans le festival. Il y avait aussi, ça reste situé là en Afrique, mais peut-être t'as d'autres exemples, toi tu me diras. Samantha Bifo, une réalisatrice gabonaise qui a réalisé un doc assez hallucinant. D'ailleurs, on a tellement ri dans la salle au cinéma Spoutnik, l'Africain qui voulait voler, où elle revendique aussi d'avoir réalisé le premier film gabonais. Et donc, elle a filmé un personnage tout à fait réel qui s'appelle Luc Benza. Vous le trouverez, Benza, vous le trouverez sur le net. C'est un Gabonais, en fait, qui était fasciné par l'art du Kung Fu Wushu. et depuis tout petit, et il a commencé à le pratiquer au Gabon en se nourrissant de films de Bruce Lee et compagnie, et en ayant le fantasme absolu d'aller en Chine pour apprendre à voler, parce que oui, il vole dans ses films. Et en fait, ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'il habite en Chine. Ouais, c'est ça, en fait, elle raconte ça, c'est qu'à 17 ans, il a eu l'occasion de partir en Chine, il n'a pas hésité, il est parti. Et puis, Il est parti aussi, tu te souviens, parce que son oncle, c'était le premier étudiant de Beijing, ou un truc comme ça, ils ont été des pionniers, il y avait comme une... Ah, j'avais pas compris ça, ouais. Ok, ah ouais, je croyais que c'était parce qu'il y avait aussi à un moment, il y avait un diplomate chinois dans l'histoire, du coup... Bah en fait, c'est quelqu'un qui a pu faire le... une personne chinoise qui est venue en Afrique, mais sur les... enfin, il y avait cette personne de confiance familiale, donc qui a pu faire que les parents, vraiment sous la menace, finissent par dire oui. Et en fait, c'était aussi délicieux parce que ça portait aussi un regard sur la discrimination raciale depuis un autre point de vue, c'est-à-dire pas situé dans une société occidentale blanche, mais asiatique. Et il y a un des protagonistes à un moment donné qui dit « Mais finalement, les Chinoises et les Chinois, ils ont l'image que l'époque coloniale a transmise de l'Afrique. Ils ont les mêmes stéréotypes, quoi, fainéants, les maladies, la guerre tout le temps, avec lesquels il a fallu combattre. » Il témoigne beaucoup de sa difficulté en tant que noir de se faire sa place, puis encore plus, c'est ça qui était tellement drôle, dans une pratique tellement traditionnaliste comme le kung-fu. Et lui, il a dû avancer là-dedans, se faire accepter. Et il est devenu, nous racontait la réalisatrice en post-projection, il est devenu plus traditionnaliste que la tradition parce qu'il est allé rechercher vraiment les fondements de cette pratique. Il a rencontré... Il avait fait une formation académique dans laquelle il ne se retrouvait pas trop et il a rencontré un maître qui était là, que tout le monde détestait parce qu'il semblait assez antipathique. Et lui, il l'a approché. Et en fait, le maître, pendant 6 mois, il l'a convoqué à 5h du matin dans un parc à faire une petite posture de kung-fu et à la tenir pendant 4h. Et d'autres étudiants étaient là et ont lâché l'affaire parce que c'était vraiment trop dur. Mais lui, non. Parce qu'il avait vu les films de kung-fu. Il savait que c'était un test. C'est ça. Il savait que c'était un test. Il a tenu le coup. Et au bout de 6 mois, le maître est venu en disant « Tu es prêt pour être mon élève. » Non, c'était un chouette film qui, je trouvais, mettait beaucoup en perspective comme ça. C'était... Et toi, t'as pu interviewer des personnes d'autres régions du monde. Mais oui. Alors déjà, j'ai interviewé la star du festival, donc João Pedro Rodrigues, qui est donc le réalisateur de L'Ornithologue, qui a finalement, il a gagné le prix, le palmarès. Alors, il a gagné le prix de la critique, qui est le grand prix du festival, et en fait... Quand j'ai appris ça hier soir, j'avais l'occasion de discuter avec les deux directrices pendant l'émission d'hier soir que j'animais. Et je leur ai un peu posé la question, parce que quand j'ai appris, j'étais un peu déçue. Il me semble que ce film, il a quand même toute une aura déjà internationale. Ouais, il a gagné la meilleure mise en scène à Locarno, par exemple, en 2016. Là. Ouais. Et voilà, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un film qui est plus... qui est moins connu, qui est peut-être plus à soutenir. Et ce que m'ont raconté les directrices, et ça illustre aussi toute la dimension film indépendant de la sélection, c'est que le producteur avec lequel ils ont fonctionné, ça a l'air d'être quelqu'un de très peu recommandable, qui en fait n'a pas amené l'argent promis. Donc je crois que toutes les personnes sont toujours en attente d'être payées. Et donc voilà, il y a à la fois la difficulté, Ramatio, elle évoquait 6 ans pour récolter les fonds. Tu te rends compte, pendant 6 ans de bosser sur le même projet. Là, quand les fonds sont visiblement là, en fait, à la fin, pas. Donc voilà, les directrices étaient assez touchées du fait que c'était pas grand-chose, c'est 5000 francs, mais voilà, ça permettait de compenser un peu cette escroquerie, car c'en est une. Ouais. Après, enfin bref, on peut discuter, mais est-ce que le palmarès est pour, enfin tu vois, enfin c'est chouette qu'il laissait 5000 balles, mais tu vois, après moi je trouvais pas du tout que c'était le meilleur film. Bon, après j'imagine les critères, je sais pas sur lesquels, et c'est pas moi qui est la spécialiste des movies, mais ce film il m'a ni touché, enfin ça fait ni froid ni chaud, quoi. Écoute, moi, c'est un film... Là, je suis barrée de tout avenir cinématographique, de tous les prix qu'il a reçus. Mais... mais vraiment, il est très, très étrange. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, à part ça, il a une esthétique somptueuse, quoi. Une photographie qui est vraiment très, très, très, très belle. Ouais, ça, je lui donne. Ça, je lui donne. Mais après, par exemple, ça, ce truc que c'est étrange, moi, je trouve pas spécialement... Enfin, parce que justement, moi, j'ai lu pas mal de critiques, vu que je devais l'interviewer. Et aussi pas mal d'interviews où les gens disaient « Mais votre film est tellement bizarre !» Après, je me suis dit « En fait, les gens, ils lui donnent le prix parce qu'ils n'ont rien compris à son film, puis ils n'osent pas le dire. » Non, c'était une blague, ça t'a pas fait rire, mais... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Voilà, il y a beaucoup de références religieuses, il y a... C'est enfin, un personnage il y a pas mal, juste... Il y a beaucoup d'homo-érotisme, enfin, il y a un truc comme ça qui est très... sans critiquer, hein, mais c'est juste... Enfin, c'est pas si étrange que ça. Moi, je trouve justement que c'est un film très, très cadré qui amène pas très loin, en fait. Alors, on vous mettra aussi les liens, mais juste en deux mots, c'est un personnage... C'est le film, c'est une retranscription de la vie de Saint-Antoine de Padoue. En fait, Saint-Antoine de Padoue, il est né à Lisbonne fin 12e siècle. Il s'est d'abord inscrit dans un premier ordre de moines. Il est né sous le nom de Fernando. Et d'ailleurs, le gars dans le film s'appelle Fernando. Il est joué par Paul Amy. Et en fait, bref, pour dire juste l'histoire de Saint-Antoine, c'est que c'est quelqu'un qui d'abord s'est inscrit dans un premier ordre. Et ensuite, il est devenu franciscain quand il a vu un peu ce que faisait Saint-François d'Assise. Et c'est quelqu'un, voilà, aussi dans la tradition franciscaine qui... vivait dans la simplicité, voyageait voilà, par la nature, machin et tout ça. Et à un moment, très drôle, ça c'est vraiment le truc que je trouve un peu, ce lien entre christianisme et drogue hallucinogène, c'est qu'à un moment en fait, Saint-Antoine de Padoue, il a prêché aux poissons. Et ça, on voit dans le film, à un moment, Paul Amy, Fernando, il prêche aux poissons. Uh-huh. Mais tu vois, ce genre de truc, je me dis, on comprend pas. On trouve très étrange, peut-être si on connaît pas l'histoire de Saint-Antoine, mais finalement c'est un peu tout là, tu vois. Ah. Après, il y a par exemple, c'est un franciscain et Saint-François d'Assise, lui, il prêchait aux oiseaux, tu vois, il était dans un autre niveau de. Enfin, bref. Non, mais c'est... De spiritualité, on dit, je crois. Non, mais je trouve, voilà, je trouvais pas très étrange, mais. Mais c'était dommage parce que, en fait, j'ai pas eu le temps pendant l'interview parce que les interviews, finalement, c'était assez court. On avait, disons, 15 minutes peut-être par 20 minutes grand maximum par personne. Et j'avais tellement de questions à lui poser parce que je trouve trop intéressant que ce réalisateur, qui a d'ailleurs fait des films super, j'ai juste pas trop aimé celui-ci. Il a d'abord une formation de scientifique. Donc il a fait la fac en sciences et puis après il s'est tourné vers le cinéma. Donc il a déjà tout ce truc de classement, de catégorisation, tu vois, d'observation de la nature. Et après, voilà, il est allé vers le cinéma qui a aussi quelque chose de tout cette méthodologie-là, mais complètement différente en même temps. Enfin, tu vois, ça je trouvais très beau. Du coup, j'ai posé plein de questions là-dessus. Après, j'avais plus le temps de lui poser les questions un peu sur la place de la religion, le récit... spirituel, mais enfin bref. Si on peut rester sur le palmarès, peut-être, c'est de dire, le prix du public, un film colombien, Los Nadie, qui évoque une bande de punk urbain qui n'ont qu'un rêve, c'est partir en voyage vers le sud, comme quoi tous les continents ont leur sud. Et ce sur quoi je voulais revenir, c'était le prix des jeunes qui est en fait attribué par un jury d'élèves issus du secondaire, j'imagine cantonal, qui ont attribué leur prix à un documentaire qui s'appelle Les Sauteurs de Moritz Siebert, Stéphane Wagner et Aboubakar Sidibé de 2016. Et je trouve assez touchant. Ce choix, parce que c'est en fait un documentaire sur l'attente des migrantes et des migrants qui essayent de passer le grillage de 6 mètres de haut qui sépare le Maroc et l'Espagne. Et en fait, les caméras vont filmer la survie de ces milliers de migrantes et migrantes sur cette colline qui surplombe l'Europe. Et voilà, il y avait quand même toutes sortes de propositions dans cette sélection qui était aussi plus légère, plus, peut-être plus facile d'accès, et que les jeunes aient attribué ce prix à ce film-là, c'est à relever, il me semble. Tu voulais nous parler d'un autre film que oui. t'avais vu? Ouais, parce que moi j'ai eu quand même un coup de cœur pour un film qui s'appelle Weekends, donc Weekend mais au pluriel, qui est un film du réalisateur sud-coréen Lee Dong-ha, et qui date de 2016. Et en fait, c'est un documentaire vraiment super, et je pense qu'il serait super pour la télé, où on suit les membres du, apparemment, si j'ai compris, seul et unique groupe de chorale d'hommes gays de Corée du Sud. Donc c'est une chorale intitulée G-Voice et qui célébrait, du coup je ne sais pas si c'est en 2017 ou 2016, leurs 10 ans d'existence. Donc on suit plusieurs personnages, ou plutôt personnes qui donc se retrouvent les soirs et puis les week-ends pour chanter et préparer un grand spectacle annuel. Donc c'est quand même quelque chose de assez sérieux. Et voilà, ils sont d'âges différents et viennent de milieux sociaux différents. Et en fait, c'est je trouve très beau parce que le film, il montre sans l'imposer forcément comme the core subject du film, mais c'est ça, de manière assez subtile, comment en fait cette chorale, elle devient un point d'ancrage d'une communauté et aussi un safe space vraiment pour plusieurs individus. Pour pouvoir, enfin, qui vont vraiment utiliser ce safe space pour pas forcément se créer une identité, mais oui, quand même, et clairement se renforcer. En plus, avec cette dimension de la chorale, c'est pas rien, parce que unir tes voix, ça crée vraiment une sensation très particulière, justement, de collectif. Ouais. Et après, ça montre aussi, voilà, l'homophobie qui existe au sein de la société sud-coréenne. Et c'est pas en fait non plus la chose centrale, mais ça vient petit à petit par les récits en fait des personnes. Et aussi parce que, et ça c'est très intéressant, c'est qu'ils utilisent aussi la chorale comme un outil de lutte et de visibilisation donc pour les droits des personnes LGBT. Et en fait, ils vont par exemple chanter à une manifestation publique ou ils vont chanter à un peu le sort de queer pride en Corée du Sud et c'est reçu très violemment. Enfin, il y a beaucoup de gens qui contre-protestent et à un moment c'est extrêmement touchant. C'est très triste. Il y a en fait une personne qui, pendant qu'il chante dans cette manifestation publique, vient lancer un seau d'excréments sur eux sur scène et ensuite le réalisateur interview une des personnes qui était sur scène et qui donc s'est reçu ça dessus et il a dit la première pensée que j'ai eue c'était mais merci que c'était pas des couteaux, merci que c'était que des excréments. Enfin c'est très du coup il y a, parce que en fait le film est assez doux dans l'ensemble mais il y a beaucoup de violence comme ça dans les paroles et dans certains gestes. Après, c'est aussi très intéressant parce que ça, en fait, ça fait aussi réfléchir à comment on fait au sein des groupes militants le travail de documenter. Comment on produit des documents historiques et comment on marque l'histoire d'un mouvement. Et ça, je pense que ce film est très beau dans ça parce qu'il fait justement ça. Il permet de donner une voix à des gens qui... On fait partie, que ce soit 10 ans ou un an, de cette chorale et de montrer aussi comment ils ont lutté voilà, pour les droits des personnes LGBT. Mais aussi, en fait, c'est aussi ça, c'est très intéressant. Ils luttent aussi avec d'autres groupes. Donc, ils vont lutter pour... ils vont lutter pour d'autres... Avec des syndicalistes, c'est comme ça. Ouais. Puis ça, c'est aussi très intéressant comment ça s'imbrique, quoi, c'est tout ça. Mais voilà, du coup, c'est aussi un film, je pense, qui contribue, en fait, à écrire une histoire qui ne soit pas exclusive, mais inclusive. Donc, nous, on discute aussi beaucoup de ça dans ce pod. Et voilà, qui donne une parole à des récits dits des marges. Ben, tu vois, là, on peut faire une boucle, cette fois vertueuse, en tout cas au niveau rhétorique, non, mais de contenu aussi, parce que c'est justement tout ça se lie dans le sens où cette dimension de production indépendante, donc de point de vue, qui soient pas formatées, qui soient pas dans des postures de pouvoir dominante, participent à créer ces archives dont tu parles, cette autre historicisation des faits. Et alors, peut-être que les algorithmes, ils vont finir par, par tomber dessus, non? On va clore pour aujourd'hui, mais on revient dans 2 semaines avec peut-être une invitée spéciale. Ou un invité. Ah, ouh. Bref, on verra. Enfin, vous entendrez. Ouais. Tchuss. Tchuss. Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com avec crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod avec des liens et des infos pour aller plus loin sur les thématiques abordées. Vous pouvez aussi écouter Crépidule depuis iTunes.